Chapitre 48e. Le génie de Rocambole. Le fils adoptif de la veuve Phippard, maître Rocambole, avait été plus fort que ne l'eût été Collard lui-même le soir où celui-ci mourut frappé par le comte de Kergaz. Cet enfant de 16 ans, qui pouvait se laisser éblouir par la promesse d'une somme aussi importante que 50 louis, ne perdit point la tête un seul instant et se fit le raisonnement suivant qu'il n'était pas dépourvu de logique. Il est évident que si le comte donne 1000 francs pour savoir où sont les petites, le capitaine en donnerait le double et le triple pour qu'il ne le sût pas. Or le comte est un homme de bien et le capitaine un luron. Entre le bien et le mal, Rocambole n'a jamais hésité. Donc hurrah pour le capitaine. Je vais rouler le philanthrope. C'était pour obéir à ce programme que maître Rocambole avait entraîné le comte, Guignon et Léon Roland sur la passerelle de la machine pour les conduire de là dans l'île de Croissy, où, disait-il, les deux femmes étaient prisonnières. On sait ce qui arriva. Rocambole, lesté fort, donna un croc en jambe à Guignon pris à l'improviste, le précipita dans l'eau et y tomba avec lui. Guignon ne savait pas nager, il était dans sa destinée de ne pas avoir la moindre chance, comme l'avait judicieusement observé Rocambole. Il jeta un cri en tombant à l'eau, essaya de se débattre à la surface, disparut, et entraîné par le courant, le pauvre ouvrier alla trouver la mort sous les rouages de la monstrueuse machine. Rocambole, au contraire, était cet enfant de Paris par excellence, qui est adroit à tous les exercices sans avoir jamais rien appris. S'improvise cavalier en 8 jours, fait des armes d'instinct, tire le fusil et le pistolet, et nage comme un poisson à la 3e pleine eau qu'il fait du haut d'un pont du canal ou de la Seine. Rocambole se jeta donc à la rivière avec le sang-froid qui lui mit à plonger dans un établissement de bain au Pont-Neuf ou au Pont-Louis-Philippe. Murmura-t-il en sentant le contact de l'eau glacée, car on était alors en plein mois de janvier. Elle est un peu fraîche. Et ce bain froid est risqué pour la saison. Bon. Et ce dernier mot prononcé à la surface de l'eau, Rocambole ferma la bouche, enfonça la tête, plongea l'espace de 50 brasses pour se mettre à tout hasard à l'abri d'une balle que le comte aurait pu diriger sur lui, guidé par le bruit de sa chute. Puis il revint respirer, plongea encore, respira de nouveau, et finit par nager entre 2 eaux, de façon à ne faire aucun bruit. La nuit était noire et on y pouvait voir à 20 pas. Rocambole, tout en nageant vigoureusement, prêtait l'oreille et servi en cela par le vent, qui soufflait de l'est à l'ouest, il put entendre les paroles irritées du comte et de Léon Roland, appelant en vain Guignon, dont la mort avait été instantanée. Sent-il vexé, pensa Rocambole, ravi de lui-même, et se mettant sur le dos pour faire la planche et ne point user ses forces. Quand il fut assez loin de la machine pour ne plus craindre une balle, le vaurien jugea convenable de se reposer. « Échouons-nous, » se dit-il, en gagnant la berge opposée à la route de Bougival à Port-Marly. Il se coucha dans l'herbe, entre 2 tas de bois coupés, amoncelé destiné à être transporté par eau. Et tout grelottant, il se déshabilla, préférant encore être nu que vêtu d'habits mouillés. Une fois déshabillé, Rocambole se roula dans le sable et s'y enterra à moitié. « Voilà, pensa-t-il, un drôle de paletot pour attendre le jour. Mais cela vaut encore mieux que rien, s'il pouvait passer une péniche. » Rocambole exprimait ce vœu parce qu'il connaissait les habitudes de ces sortes d'embarcations qui sillonnent le fleuve nuit et jour de leur lourd et de l'ancillage. 2 hommes, 3 ou plus, les conduisent et vivent éternellement à bord. Ils ont toujours du feu, quelque chose à manger. Ils accueillent assez complaisamment les canotiers et les pêcheurs qui montent à leur bord. Or, précisément, en prêtant l'oreille, Rocambole, qui n'entendait plus la voix d'Armand et de Léon, distingua tout à coup le craquement monotone d'un gouvernail pesamment manœuvré, et bientôt il vit se détacher au milieu des ténèbres une masse plus noire encore qu'éclairait un point lumineux. C'était une péniche vide de son chargement, et que 2 hommes conduisaient à la dérive, sans le secours des chevaux qui, en remontant le cours du fleuve, remorquent les embarcations. Le poids lumineux n'était autre qu'une lanterne suspendue à l'avant. « Ohé, de la barque !» cria le borien. « Oh » répondit-on à bord de la péniche. Rocambole s'arracha son linceul de sable, se rhabilla en 3 secondes, se rejeta bravement à l'eau, se laissa dériver de quelques brasses au-dessous de l'embarcation, l'aborda par le travers et se suspendit à la corde à nœud qui pendait en guise d'échelle. Puis là, bien qu'il fût parfaitement reposé et n'eût rien perdu de son agilité et de sa vigueur, Il feignit une grande fatigue et se hissa à bord en gémissant. Le patron de la péniche, qui tenait la barre en ce moment, fut fort étonné par le froid de la nuit de voir un homme sortir de l'eau habillé et tout grelottant. « Ah, mon Dieu !» murmura Rocambole d'une voix lamentable. « Quel malheur !» Les deux mariniers qui montaient la péniche, reconnaissant qu'ils avaient affaire à un enfant qui paraissait exténué de besoin, de fatigue et de froid, commencèrent par lui donner des soins, le firent changer de vêtements et lui donnèrent quelques gorgées d'eau-de-vie. Une fois restauré, Rocambole descendit dans la cabine où il y avait du feu et s'y coucha à côté du patron qui avait cédé la barre à son second. Le vaurien raconta alors au patron qu'il était tombé à l'eau en longeant le bord de la rivière et que, vaincu par le courant, il lui avait été impossible de regagner la berge. Il ajoutait qu'il allait précisément à Saint-Germain lorsque cet accident lui était arrivé. Or, comme l'accident dont il prétendait avoir été victime paraissait s'expliquer par l'opacité de la nuit, et que d'ailleurs, Rocambole avouait qu'il était un peu bu, selon l'expression populaire, lorsque cela lui était arrivé, le patron de la péniche ajouta foi entière à ses paroles. Rocambole fit sécher ses habits, se garda bien de lui montrer la bourse que lui avait jetée M. de Kergaz et qui renfermait 25 louis, et vers minuit, la péniche le déposa au Pec sous Saint-Germain. Rocambole avait jugé prudent de ne point retourner à Bougival sur le champ. Il passa le reste de la nuit dans un cabaret dont il connaissait le maître et qu'il éveilla en heurtant à la porte. Puis au point du jour, il se remit en marche, décidé à aller flâner aux alentours de la maison où Collard avait été tué. Il est probable, se disait-il en arpentant la route de Port-Marly, que le comte sera retourné au cabaret, qu'il n'y aura plus trouvé maman et que, comme après tout il a tué Collard, il aura filé sans redemander son reste. Ce raisonnement était plein de justesse et se trouva pleinement confirmé par l'événement. Rocambole trouva la chaussée déserte à 7 heures matinale, la porte du cabaret entr'ouverte et le cabaret vide. La veuve Fipard avait jugé prudent de filer, comme disait Rocambole, et elle était montée au pavillon du parc, dans la villa où se trouvaient Jeanne et Cerise. Rocambole monta au premier étage, où était toujours le cadavre de Collard noyé dans une mare de sang. « Voilà le plus embêtant, se dit-il. Le comte a filé, il ne reviendra pas tout de suite. Mais la première personne qui va venir ici va voir couler ce sang à travers le plancher, elle criera à l'assassin et nous serons propres. Il faut faire disparaître le bourgeois. » C'était le nom que Rocambole et la veuve Fipard donnaient à Collard. « Pauvre vieux, murmura-t-il en soulevant le cadavre avec précaution, pour ne se point ensanglanter. Tu n'as pas plus de chance que Guignon. » Sans compter que tu n'auras pas le moindre curé à ton enterrement et que nous te priverons de cimetière. » Comme il terminait cette oraison funèbre, Rocambole entendit un bruit de pas au rez-de-chaussée. Il tressaillit, crut qu'il allait avoir affaire à Armand ou à quelqu'un des siens, et à tout hasard, il s'arma du couteau que la veille Guignon lui avait appuyé sur la gorge et qui était demeuré à terre. Mais une voix bien connue se fit entendre. « Hé, Rocambole » appelait-elle. « Bon, dit l'enfant, a pas peur, c'est Nicolo. » C'était en effet le saltimbanque qui, après avoir erré toute la nuit à travers champs, avait un peu calmé sa terreur vers le matin et se hasardait à revenir savoir ce qui s'était passé après sa fuite. « Montez, papa, montez !» cria Rocambole à l'illégitime époux de la veuve Fipard. « Par ici, on a besoin de vous !» Nicolo monta et s'arrêta tout frémissant encore sur le seuil du cabinet jaune. Le facétieux Rocambole avait mis le cadavre de Collard sur son séant et l'avait adossé à la muraille. « Flambé !» dit le vaurien, en le désignant du doigt à Nicolo. « Et la mère ?» demanda le saltimbanque avec tout l'intérêt d'un amant épris, inquiet sur le sort de l'objet aimé. « Est-ce Bigné ?» répondit Rocambole, puis l'ajouta vivement. « Allons, papa, faut pas flâner à demander un tas de choses. Je vous conterai cela plus tard. Il faut d'abord cacher M. Feu Collard. Ça ne peut pas le chagriner, et ça nous rendra grand service. Mais, dit Nicolo, ce n'est pas nous qui l'avons tué, après tout, et la rousse ne peut pas nous accuser de cet assassin. Rocambole, qui avait retrouvé son sang-froid moqueur, haussa les épaules et regarda dédaigneusement le saltimbanque. Papa, dit-il, vous n'êtes pas l'auteur de mes jours, et entre nous, je ne le regrette pas. Plaît-il ? Fit Nicolo, surpris de l'apostrophe. « Vous êtes bête comme un saltimbanque que vous êtes, » poursuivit Rocambole, complétant ainsi sa pensée. « Vous avez de l'esprit dans les jambes, mais pas dans la tête. Insolent, dit Niccolo, habitué cependant aux impertinences de l'enfant. Supposez donc, continua Rocambole, que la rousse vienne ici. On commence par nous mettre à l'ombre, vous et moi, et le curieux fouille ses petites notes et ses paperasses, puis il reconnaît que papa Niccolo habitait un port de mer d'où il est parti avec un passeport sur papier jaune et la marque d'un anneau à la cheville. Ce qui fait qu'il est en rupture de banc. Diable, murmura Niccolo, je n'y songeais pas. Quant à moi, reprit Rocambole, comme je me suis échappé du pensionnat où m'avait logé la correctionnelle pour y attendre ma majorité, on me replacera tout de bon. Tu as raison, dit Niccolo. Mais où le mettre, ton monsieur Collard? S'il était nuit, je vous dirais, nous allons l'enterrer dans le jardin. Mais vu qu'il est jour, il vaut mieux le descendre à la cave. Nous avons une vieille futaille vide. On la défoncera d'un côté, et puis on rebouchera le trou et on posera le côté défoncé contre la muraille. Niccolo et Rocambole s'emparèrent alors du cadavre. L'un le prit sous les bras, l'autre par les pieds, et ils le descendirent ainsi à la cave, où Rocambole, toujours maître de lui, défonça la futaille vide. Feu Collard, comme disait le spirituel borien, fut placé dans cette bière improvisée, puis la futaille fut tournée contre le mur, après quoi les deux bandits s'occupèrent de faire disparaître tout indice du meurtre. Le sang qui couvra le parquet du cabinet jaune et coulait à travers le plancher fut lavé à grande eau, et en moins de 20 minutes, il n'en resta aucune trace. Les verres brisés furent jetés dans la cour, les meubles remis en place, et lorsque tout fut terminé, Rocambole se versa une rasade d'eau-de-vie, bourra une pipe qu'il avait toujours dans sa poche, s'assit sur un escabeau et regarda fièrement le saltimbanque. « À présent, papa, dit-il, si vous le voulez bien, nous allons causer un peu. »« Causer de quoi ?» demanda l'acrobate dont l'intelligence n'était pas le côté saillant. « Parbleu, dit Rocambole avec humeur, ce ne sera pas de politique. D'abord, je n'ai pas d'opinion, moi. » Niccolo se prit à rire. « Nous voici à l'abri de la rousse, » reprit le borien. Et il est évident que monsieur le comte qui a tué Feu Collard ne s'en montra pas. Mais comme il tient savoir où sont les petites, il ne le sait donc pas. « Tiens, » dit Rocambole, « qui le lui aurait dit ?»« Le serrurier ne le savait pas, et maman et moi, nous ne sommes pas des enfants. » Alors le fils adoptif de la veuve Fipa raconta succinctement à Niccolo sa belle conduite de la nuit, et le saltimbanque émerveillé s'écria « Décidément, tu as une fière sorbonne, petit. » Rocambole affecta un maintien modeste en écoutant ce compliment. « Mais, poursuivit-il, si nous sommes parés vis-à-vis de la rousse, nous ne le sommes pas vis-à-vis du comte et il ne fera pas bon ici désormais. Il m'est donc avis que le meilleur est de filer, vous et maman à Paris, moi à Port-Marly où le père Maurice me logera. » Le père Maurice, dont parlait Rocambole, était un pêcheur tenant un cabaret presque aussi mal famé que celui de la veuve Fipard. Le père Maurice et l'objet aimé de Niccolo avaient eu ensemble plus d'une ténébreuse affaire étrangère au commerce des liquides. Rocambole pouvait donc compter sur lui comme le père Maurice aurait compté lui-même sur la veuve et son fils adoptif dans l'occasion. « Tu as raison, » dit Niccolo, approuvant le conseil de l'enfant. « Mais, » ajouta-t-il, « qu'allons-nous faire maintenant par rapport au capitaine qui est absent? Lâchons-nous les petites? Collard étant mort, je ne sais plus que faire, moi. »« Moi, je le sais, » dit Rocambole, « et je vais me mettre à la hauteur des événements. À pas peur, c'est moi qui remplace ce Collard. » Le vaurien se versa un second verre d'eau-de-vie, bourra et alluma une seconde pipe, puis il se leva. « Allons, » dit-il, « filons, il s'en va sur 8 heures. » Ils sortirent. Rocambole prit un morceau de charbon dans la cheminée et écrivit sur la porte qu'il ferma à double tour, « Fermé pour cause de faillite. » Niccolo monta la villa et emmena la veuve Fipard à Paris. Rocambole gagna Port-Marly. Le lendemain, de grand matin, il se présenta à la villa. Il portait, comme les jours précédents, une manne de poisson sur la tête. Mais le drôle n'avait plus cette attitude humble et modeste des jours précédents. Il portait la tête haute, sifflotait d'un air insolent, et il rassembla les domestiques de la villa. « Ça, leur dit-il, M. Collard est parti rejoindre le patron, et c'est moi qui le remplace. Il vous ordonne de m'obéir comme à lui-même. » Rocambole parlait avec tant d'assurance que personne à la villa ne songea une minute qu'il prenait sous son bonnet ce ton impérieux et cette attitude omnipotente. On le crut sur parole. Transformé en maître de sa propre autorité, Rocambole donna des ordres, recommanda qu'on obéit toujours aussi respectueusement à Jeanne, à moins qu'il ne lui prît fantaisie de vouloir s'échapper, et annonça qu'il reviendrait le lendemain. Il revint enfin et questionna Mariette. « Mademoiselle est triste, » dit la soubrette. « Ah, fit Rocambole. Est-ce qu'elle trouve la cage étroite ? Non, elle s'ennuie après monsieur le comte. Bon, dit Rocambole, qui possédait par la veuve Fipard les secrets de Sir Williams. Il parle que sa mort, l'amour. Et puis, monsieur le comte ne lui a pas écrit. Il lui écrira, répondit le vaurien. Le fils adoptif de la veuve Fipard songe alors que Sir Williams devait écrire à Jeanne par l'intermédiaire de Collard, et que celui-ci étant mort, les lettres du capitaine demeuraient sans doute closes à l'hôtel de la rue Beaujon. Ce fut pour lui un trait de lumière. Il courut à Paris, dit au valet de chambre, qui lui aussi ne savait ce qu'était devenu Collard, que ce dernier, retenu à Bougival, le chargeait de venir chercher ses lettres. Le valet de chambre les remit sans difficulté et crut ce que Rocambole lui disait. Ce qui fit que le lendemain matin, ce Rocambole, comme l'appelait déjà Mariette, remit à la soubrette les lettres de Sir Williams, après avoir déchiré la première enveloppe qui portait le timbre de la poste, et lui avoir recommandé de les placer sur la table afin que sa maîtresse les trouvât à son réveil. Voilà donc où en étaient les choses lorsque Jeanne apprit par la dernière lettre de Sir Williams à son prochain retour. Sous le poids d'un vague pressentiment, Mademoiselle de Balder se prit à penser qu'en effet, celui qu'elle attendait pourrait bien arriver le jour même. Et pour la première fois de sa vie, la jeune fille fut coquette et mit une recherche extrême à sa toilette. Elle voulait lui paraître belle. Une partie de la journée se passa. Au moindre bruit qui se faisait au dehors, Jeanne tressaillait et courait à la croisée. Les heures lui semblaient couler avec une désespérante lenteur. Elle allait et venait par la villa, anxieuse, le cœur palpitant. Enfin, vers le soir, au coucher du soleil, le bruit d'une voiture roulant sur le sable de la grande allée se fit entendre. Jeanne devint toute pâle et sentit tout son sang affluer à son cœur. Elle voulut se lever, courir à la rencontre de celui qu'elle attendait. Ses forces la trahirent et elle ne put quitter son siège. Tout à coup la porte s'ouvrit et Mariette, paraissant sur le seuil, annonça « Monsieur le comte Armand de Kergaz ». Jeanne jeta un cri étouffé et crut qu'elle allait mourir.